بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc au chapitre Barakallahu fikoum, on continue la lecture de ce livre très profitable des fondements de la Sunna de l'Imam Ahmed rahimahullah. Et on est arrivé à la parole de l'auteur. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Et donc fait partie des fondements de la Sunna le fait que Allah tabaraka wa ta'ala parlera aux serviteurs au jour de la résurrection sans qu'il y ait entre eux de traducteurs. Le fait d'y croire, le fait de, donc fait partie des fondements de la Sunna, le fait de croire en cela. Il continue, rahimahullah, wal imanu bil hawdi wa anna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hawdan yawm al qiyamati taridu alayhi ummatu arduhu mithlu tulihi masirata shahrin aniyatuhu ka'adadin nujum كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Et donc il continue l'imam Ahmed rahimahullah et il dit: et la foi concernant el Hawd. C'est quoi el Hawd, Issa? Le bassin. Le bassin. Et donc la croyance, la foi concernant le bassin, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc aura un bassin au jour de la résurrection et sa communauté parviendra à ce bassin. Parmi les descriptions de ce bassin, il y a le fait que sa longueur est comme sa largeur, une durée de voyage de un mois. Une durée de voyage de un mois, donc pour faire la longueur avec les montures, donc lances, comme on dit, chevaux, etc. Une durée de voyage de un mois. Ces récipients, les récipients de ce bassin sont du nombre des étoiles du ciel. Et ceci en se basant sur les textes authentiques qui nous ont été cités sous plusieurs formes. Il y a plusieurs textes qui abordent le bassin et plusieurs caractéristiques qui ont été citées. Parmi ces caractéristiques, qu'il est plus doux que le miel, et plus blanc que le lait, etc. Et donc ici, l'imam rahimahullah, il nous a parlé premièrement du fait que les serviteurs parlent, que Allah tabaraka wa ta'ala parlera aux serviteurs au jour de la résurrection. Ceci, comme ça a été cité dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ma minkum min ahadin illa وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانِ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a aucun d'entre vous sans qu'Allah lui parlera au jour de la résurrection, sans qu'il n'y ait de traducteur. Et donc on comprendra Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala va s'adresser à nous et nous devons croire en cela, comme cela a été cité dans les textes. Tous. Parce que il y a le fait que Allah tabaraka wa ta'ala va s'adresser donc aux polythéistes, il va s'adresser aux pécheurs, il va s'adresser à chacun d'entre nous en fait. Il va, comme le hadith qui cite que Allah, on amènera un homme à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui, et cet homme va reconnaître les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cet homme, par exemple, il a mémorisé le Coran et il a appris, donc il a étudié le Coran, il l'a enseigné et il lisait le Coran. Alors Allah tabaraka wa ta'ala demandera à cette personne: pourquoi, donc, qu'as-tu fait de ce bienfait? Qu'as-tu fait de ce bienfait que je t'ai accordé? Alors il dira: j'ai appris le Coran pour toi, j'ai étudié et j'ai enseigné pour toi. Alors là, Allah tabaraka wa ta'ala dira, tu mens, tu as menti, kadhabt. Cependant, tu as récité le Coran, tu as étudié, enseigné le Coran pour qu'on dise que tu es un savant, un récitateur. Et Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera qu'on jette cette personne dans le feu. D'accord ? Il ordonnera qu'on jette cette personne dans le feu. Et donc, ça, c'est pour tout le monde. Allah tabaraka wa ta'ala va s'adresser à tout le monde, que ce soit aux pieux, aux pervers, aux transgresseurs, aux incroyants, à tout le monde. Lorsqu'il va juger tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant son bassin, il nous dit لَيَعْلِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ أُنَاوِلَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ هَلُمْ فَأَكُولُ إِلَى أَيْنِ فَيَكُولُ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ فَأَكُولُ إِنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Et donc concernant son bassin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a certains qui vont parvenir jusqu'à moi. Et lorsque je vais me baisser pour leur donner justement, donc leur permettre donc de s'abreuver du bassin, alors à ce moment-là, un homme viendra entre moi et eux. Il viendra entre moi et eux, certains. Et donc il dira halum, allons-y. Il dira à ces gens-là, allons-y. Alors je dirai, mais où? Alors il dira, au feu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, mais il dira à cette personne, mais ce sont mes compagnons. Ce sont mes compagnons. Alors là, cette personne dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et donc le bassin, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va parvenir jusqu'au bassin. Celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif après cela. Et donc, sa communauté va parvenir jusqu'au bassin. Et donc, certains seront écartés du bassin. Qui sont ceux qui seront écartés du bassin? Ce sont, donc, les savants nous disent, ce sont ceux qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit ashabi. Ashabi, mes compagnons. C'est-à-dire qu'il les connaît, ce sont mes compagnons. Et donc ils étaient avec lui, mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont apostasié. Et donc à partir de là, ici, ces gens-là, les savants nous disent que ce sont eux qui sont voulus ici. Et d'autres savants, et beaucoup de savants d'ailleurs, ils disent wa ahlul bid'ah yalhaquna bihim. Les gens de l'innovation aussi en font partie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette même caractéristique qui a été citée dans ce hadith, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils ont changé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il y a clairement en cela une mise en garde contre l'innovation. Le fait de nous méfier de l'innovation et de ses méfaits. Et c'est pour cela que c'est important, barakallahu fikoum, qu'on combatte l'innovation et qu'on ne laisse pas les gens comme ça dans l'innovation. On se dit, c'est pas grave, bon, il a décidé de faire son innovation, ma'alish. Mais non, toi, tu veux le bien des gens. Tu veux pas que les gens. Tu veux pour toi le paradis, tu veux pour les autres aussi le paradis. Et donc, tu dois t'efforcer de conseiller les gens, de les orienter, même si ça entraîne que, au final, les gens, ils ne vont pas apprécier ton discours ou ils vont te blâmer, etc., etc., etc. Parce que toi, tu veux leur bien plus qu'eux-mêmes. Tu veux leur bien plus qu'eux-mêmes. Et donc ça, c'est très important, barakallahu fikoum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wal imanu bi'adabil kobri. Et la foi concernant le châtiment de la tombe. Et la foi concernant le châtiment de la tombe. Et il continue, l'imam Ahmed, rahimahullah. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله سبحانه كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Et le fait donc que les gens de cette communauté seront éprouvés dans leur tombe et qu'ils seront interrogés concernant la foi, concernant l'islam, qui est leur seigneur, qui est leur prophète, et que Munkar et Nakir, les deux anges, Munkar et Nakir, viendront comme Allah le veut. Comme Allah Azza wa Jal le veut. Pourquoi ? Parce que certains se demandent, ils disent, mais comment ils font pour entrer dans la tombe ? Comment ils font pour entrer les deux anges ? Eh bien, ils viendront comme Allah le veut. De la même façon qu'ils vont, au moment de la... Donc, ils vont justement dans l'ange insufflé donc, au fœtus et noté, justement, enregistré concernant la vie de cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, etc., etc., etc. Et donc, tu ne vas pas demander comment. Comment ils font ? Allah Tabaraka wa Ta'ala a déterminé comment ils font. Il ne nous a pas expliqué. Nous ne savons pas comment ils font. Mais nous y croyons parce que nous croyons en la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, concernant ce sujet, Barakallahu fikum, la foi au châtiment de la tombe. Alors, cela fait partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Cela fait partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Comme l'a dit, donc, Al-Hafiz Al-Nawawi Rahimahullah. Il dit Al-Nawawi dans l'explication de Sahih Muslim. Il dit, اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. Il dit, sache que la voix des gens de la Sunna et du groupe est le fait d'affirmer le châtiment de la tombe et certes les preuves du livre et de la Sunna sont nombreuses et apparentes concernant cela. Et donc c'est ça la voix de Ahl Sunna wal-Jama'a. Le fait de croire au châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Laula an tadafanu »« Laula an la tadafanu »« La da'autullaha an yusmi'akum min adabil kabri me asma » Si ce n'était pas la crainte que vous délaissiez les enterrements, j'aurais invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il vous fasse entendre ce que j'entends. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre justement que pour vous faire entendre du châtiment de la tombe, ce que j'entends. Et donc, il nous montre, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, que le châtiment de la tombe existe. Et qu'il l'entend, sallallahu alayhi wa sallam. Et que si nous pouvions entendre ce châtiment, alors à ce moment-là, on aurait délaissé les enterrements. Pourquoi ? Par crainte, on aurait eu peur. On aurait eu peur, on n'aurait pas supporté, alors on aurait délaissé le fait d'enterrer les gens. Et aussi, il y a un autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si on entendait justement ce châtiment, si on entendait ce qui se passe dans les tombes, et si on savait, si on voyait ce qu'il voyait, ou du moins si on entendait ce qu'il entend, alors on n'aurait pas pris de plaisir, on aurait beaucoup pleuré et on aurait peu rigolé. Et on n'aurait pas pris de plaisir avec nos épouses. Et donc ça, c'est tellement le châtiment de la tombe, il est terrible. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, par miséricorde envers nous, et aussi par sagesse, il a fait qu'on n'entende pas ce châtiment. Et donc, aussi il y a dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté de deux tombes. Et il a dit, innahuma la yu'adhaban. Certes, ces deux-là se font châtier. Wa ma yu'adhaban fi kabir. Ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. C'est-à-dire, ils ne se font pas châtier pour quelque chose qui était difficile à éviter. Ils auraient pu l'éviter. Ou alors, dans une autre explication, ils ne se font pas châtier pour quelque chose que eux, ils ne voyaient pas que c'était quelque chose de grand. Pour eux, c'est pas grave, Maalish, on peut désobéir. C'est pas grand. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, bel innahu la kebir. Mais oui, c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire que c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Et ensuite, il explique, sallallahu alayhi wa sallam, amma ahaduhuma fekana yamshi bin namima, wa amma al-akhar fekana la yatanazzahu min al-baul. Concernant le premier, alors il donc pratiquait le colportage. Il pratiquait le colportage. Il allait voir les gens, un tel a parlé sur toi, et tiens, tu sais pas ce qu'il a dit, etc., etc., etc. Il pratique le colportage. Le deuxième, et concernant le deuxième, alors celui-ci ne faisait pas suffisamment attention concernant son urine. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous cite le châtiment de la tombe. Il y a plusieurs preuves, barakallahu fikoum, concernant ce sujet, concernant le sujet du châtiment de la tombe. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, concernant les gens de la famille de Fir'aoun et les suiveurs de Fir'aoun, النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Le feu, ils y sont exposés matin et soir. Ils y sont exposés matin et soir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ أَدْخِلُوا أَهْلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Et au jour de la résurrection, alors là, Allah ordonnera, faites rentrer les gens de Pharaon dans le châtiment le plus douloureux. Et donc là, aujourd'hui, quand ils se font châtier tous les jours, matin et soir, tous les jours, c'est quel châtiment? C'est le châtiment de la tombe. C'est le châtiment de la tombe. Avant que Allah tabaraka wa ta'ala n'ordonne qu'ils soient rentrés dans le châtiment le plus douloureux. Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit concernant ce verset, il nous dit « وَهَذِهِ الْآيَةِ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقَبْرِ. » Et donc il nous dit, Ibn Kathir, ce verset est une preuve importante. Aslun Kebir est une grande preuve dans, ou du moins est une grande base dans la citation des preuves de Ahlus Sunnah concernant le châtiment de la vie. Al-Barzakh, c'est la vie qu'il y a entre les deux vies. On a la première vie d'ici-bas et on a la vie Yawm al-Qiyama, au jour de la résurrection. Et entre les deux vies, il y a une vie, c'est la vie dans la tombe. On l'appelle Al-Barzakh. Et donc, il nous dit, Mukithir, c'est la preuve concernant le châtiment qu'il y a dans le Barzakh, dans les tombes. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son code, qui nous dit dans son livre, c'est nous adibuhum marratayn, thumma yuradduna ila adhabin azim. Nous allons les châtier deux fois. Et ensuite, ils retourneront vers un châtiment, donc, manifeste. Très bien. Elle est où la preuve ici? Les deux châtiments? Elle est où la preuve du châtiment de la tombe? Nous allons les châtier deux fois, puis ils seront renvoyés vers le châtiment terrible. Une fois ici, une fois dans la tombe, et après la... Donc dans la tombe, c'est le deuxième. Là. Et donc le premier châtiment ici, le premier châtiment c'est ici. C'est ici. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, naam, c'était Allah tabaraka wa ta'ala parlait des incroyants de Quraysh. Des incroyants de Quraysh qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier châtiment, ici, avant la mort. Le deuxième châtiment, donc c'est dans la tombe. Et ensuite, au jour de la résurrection, ils seront envoyés vers un châtiment terrible. On a dans la salat, lorsqu'on prie, pendant le tashahhud, qu'est-ce qu'on dit? À la fin de la salat, du moins. Lorsqu'on a fini la salat, Allahumma a'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, donc j'implore ta protection contre le châtiment de la tombe. Min fitnati al-qabr, contre la fitna de la tombe. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Et contre la fitna, donc, de la vie et de la mort. Wa min fitnati al-mesih al-dajjal. Et contre la fitna du mesih al-dajjal. Et donc, ici, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait aussi pour se protéger contre le châtiment de la tombe. Tayyib, est-ce que certains ont rejeté le châtiment de la tombe? Na'am, on a Al-Mu'tazila. On a Al-Mu'tazila, Al-Rawafid, Al-Khawarij. Et ceux qui les ont suivis, ils ont rejeté le châtiment de la tombe. Parmi leurs arguments, ils se basent sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn. Ils disent, ô Seigneur, tu nous as fait vivre deux fois et tu nous as fait mourir deux fois. Et donc, ils disent ici, Allah n'a pas parlé, il n'a pas cité la vie dans la tombe. Tu nous as fait vivre deux fois et mourir deux fois. La première mort, c'est la mort, donc, avant qu'on existe. C'est une mort. Ça, c'est la première mort. La première vie, c'est la vie de ici-bas, Ad-Dunya, la vie dans laquelle nous sommes. La deuxième mort, c'est la mort qu'on va connaître tous, donc au moment de notre mort. Et ensuite, la deuxième vie, Yawm al-Qiyam. Et donc ils nous disent ici, il n'est pas cité qu'il y a une vie dans la tombe entre la deuxième mort et la deuxième vie. Il n'y a pas cité qu'il y a une vie dans la tombe entre la deuxième mort et la deuxième vie. Toyib. Les savants ont répondu à cela en disant qu'il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas parce que ici Allah tabaraka wa ta'ala a cité cela que ça veut dire, a cité ces deux vies-là, que ça veut dire qu'il n'y a pas une autre vie dans la tombe. Le fait d'affirmer deux vies ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé plus que deux vies concernant certains. Il nous dit tabaraka wa ta'ala: "Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum." Ne voyez-vous pas ceux qui sont sortis de leur demeure alors qu'ils étaient des milliers? Ils craignaient la mort. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a dit: "Mourez." Puis il leur a donné la vie. C'était ici-bas ça. Et donc il leur a donné une vie de plus que ce que nous avons. Et pourtant ça n'a pas été cité dans notre verset. Et donc le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a cité deux vies ne contredit pas qu'il y en a une autre. Ce n'est pas un argument. Surtout que les hadiths sont clairs montrant le fait que les gens seront châtiés dans leur tombe. On ne peut pas rejeter cela. Ah oui, excusez-moi, et parmi les sectes qui ont rejeté le châtiment de la tombe, il y a Al-Qur'aniyoun. Al-Qur'aniyoun, ceux qui se basent que sur le Qur'an, ils te disent il n'y a pas de sunnaya. C'est Qur'an, Qur'an, Qur'an. Lorsqu'ils vont prier, tu te demandes où ils ont pris la prière. Où tu l'as pris cette prière. Il ne peut pas te dire sunna, puisque la sunna n'existe pas selon lui. La sunna n'est pas une preuve selon lui. Et donc, ces gens-là donc, sont contradictoires. Parmi leurs arguments, il y a le fait qu'ils te disent si on ouvre une tombe, on ne va pas voir que la personne, elle a reçu les coups de matraque des anges, le fait qu'elle se soit fait frapper, il n'y a aucune trace de châtiment sur le corps. Il n'y a pas. Et donc, comment se fait-il que vous nous parlez du châtiment de la tombe? Ça, c'est contraire à la raison, etc., etc., etc. La réponse à cela, premièrement, barakallahu fikoum, c'est que le Coran est une guidée pour les muttaqin, pour les pieux. Houdan lil muttaqin. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous décrit les muttaqin, qu'ils sont. La première caractéristique des pieux qu'il cite dans le Coran, tabaraka wa ta'ala, الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Et donc les musulmans croient en l'invisible, l'inconnaissable, ce qui n'est pas palpable, parce qu'ils croient en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas comme ceux qui croient seulement en ce qui est palpable et visible. Et ça, ça fait partie de la foi. Et donc, il est choquant de voir des musulmans qui ont cette manière de penser qui est totalement conforme à la manière de penser des incroyants, de ceux qui ne croient pas en l'invisible. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, parmi les sagesses qu'il y a dans le fait que nous, on ne voit pas de, justement ces signes du châtiment de la tombe, on ne voit pas tout ça et on n'entend pas. Comme on a cité le hadith du prophète précédent, le fait que si on entendait et si on pouvait voir les traces du châtiment de la tombe, ça aurait été trop difficile pour nous. Et qu'on aurait même délaissé le fait d'enterrer les morts. Il y a aussi un point important, le fait de distinguer les croyants des non-croyants. Si on voyait le châtiment de la tombe qui s'appliquait aux non-musulmans, eh bien à ce moment-là, tout le monde aurait suivi l'islam. Puisque ça, c'est bon, c'est plus du domaine de la croyance en l'invisible. puisque tout le monde voit, on entend la personne qui se fait châtier dans sa tombe, ah, il n'était pas musulman, il s'est fait châtier. Eh ben, il faut que là, tout le monde va suivre, même les plus mauvais. Pourquoi ? Là, ce n'est plus du domaine de la croyance en l'invisible. Et donc ça, ça montre aussi la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le fait qu'il nous ait caché cela. Et qu'il ait fait qu'on ne puisse pas le voir ni l'entendre. Et donc, nous devons y croire. Car les preuves textuelles dans notre religion nous montrent clairement le châtiment de la tombe. Il y a un dernier point que je voulais voir avec vous, que j'ai oublié de vous le lire avant de clôturer. Ah oui. Et donc le sujet qu'a abordé l'auteur rahimahullah concernant les questions qui nous seront donc posées dans la tombe. Alors là, c'est un hadith qui est très connu, qu'on peut trouver dans le Sunan Abi Daoud et d'autres. Et donc les deux anges qui viendront voir cette personne dans sa tombe, et donc qui vont l'interroger concernant son seigneur, Man Rabbou, qui est ton seigneur ? Mais dis-nous, quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ? Le croyant, il dira, ma religion est l'islam. Mon Seigneur est Allah, mon prophète est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, on lui montrera, fayuftah lahu bab, on lui ouvrera une porte, et on lui dira, ceci est ta place, si tu avais mécru. On lui montrera sa place dans le feu, s'il avait mécru. Et ceci, en lui montrant une porte, ceci est ta place au paradis. Nous savons que tu as cru, dans certaines narrations. Par contre, en ce qui concerne l'incroyant, alors là, et dans une, excusez-moi, concernant l'hypocrite, il est cité dans certaines narrations. Alors là, il répondra en disant, ha, ha, ha. J'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'y ai répété. J'ai dit comme eux. Et donc ça nous apprend quoi ça, ce hadith, barakallahu fikum. Il faut apprendre. Il ne faut pas suivre les gens comme ça. Il ne faut pas suivre. Tu dois connaître ta religion. Tu dois connaître c'est quoi la voie de Ahl Sunna wa Jama'a. Tu dois connaître, tu dois chercher à comprendre. Tu ne suis pas comme ça bêtement, tu ne sais pas où tu vas. C'est important qu'on sache, qu'on connaisse un minimum concernant notre religion et qu'on fasse des efforts pour cela. Et qu'on ne suive pas les gens et le jour où les gens s'égarent, on s'égare avec eux. Tu n'es pas exempt que Abdul Karim il tombe dans un égarement. Le jour où Abdul Karim il tombe dans un égarement, s'il tombe dans un égarement, tu vas partir avec lui? Comment tu vas faire pour savoir si tu n'apprends pas ta religion? Et donc, il faut apprendre. Il est impératif qu'on apprenne. Barakallahu fikoum. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.